Allez. Je suis fatiguée. Compte à rebours. Vas-y. 3, 2, 1, turbo sieste. Ça fait du bien. Ouais, ça fait trop du bien. Ah. Merci beaucoup. Ah, vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir.